des copains, y a des copains partout, y a des copains, y a des copains. Okay. canard, mais il y a des poulets, c'est vrai. Il y a trop de poulets, non, il y a même plus de poulets, ils vont tout abattre. Il y a plein de connards, et ça, ça va rester. Il y a 900 millions de volailles qui s'en sont allés. Allez, on espère qu'un chat énorme ne sera pas notre dernier voyage. J'espère qu'un chien ne sera pas notre laisser passer pour l'éternité. Imagine que y a un poulet qui soit covidé et laisse tomber, laisse tomber. Qu'est-ce qui se passerait si un poulet faisait covider un chat? Oh, les mac chicken, tu sais, les tenders, les wings et tout ce qui s'ensuit. J'aime le bucket. La saucisse sèche, archi du sèche, est-elle sèche? La maîtresse, l'archi. Oups, pardon. Thank you. Mâcher trop longtemps, trop longtemps, parce qu'il faut mâcher trop longtemps, parce que tu sais qu'il faut mâcher, mâcher. Thank you. gamane. Come on, baby, shake, shake your booty on, shake your boobsy on, shake your booty and your boobsy on. Come on, baby, shake, come on, baby, shake, come on, baby, me on my mind. ça fait pas mal.